Quand vient la mort et sa méchante face, qui tombe pile pour ceux qui sont tout au bout de l'impasse, au ticket coupe-file. Faire face au temps à l'inusable pile, faire volte-face dans les souvenirs qui bientôt s'empilent, y a des gens qui s'effacent. À pile ou face, le filou passe toutes ses nuits à jouer ainsi son côté pile en surface. À pile ou face, le filou passe toutes ses nuits à jouer ainsi son côté face moribile. Madame la mort n'a aucun sexe à pile, et elle efface de toute grâce le meilleur profil. Ça nous dépasse. Le temps fait de nous des tas et des piles, il nous efface. Pourquoi faut-il que tous nos passions filent? Il les défasse. À pile ou face, le filou passe toutes ses nuits à jouer ainsi son côté pile en surface. À pile ou face, le filou passe toutes ses nuits à jouer ainsi son côté face moribile.